Bonjour, lecture d'un texte qui vient de paraître sur Paris Lutte Info en ce 23 décembre 2021 et qui s'intitule « Personne ne doit être oublié ni mis de côté, anarchie, confinement et crypto-eugénisme ». Alors que la cinquième vague Blanquer, avec un hashtag, submerge actuellement les enfants et qu'un nouveau variant à fort échappement immunitaire connaît une croissance inédite, la ritournelle crypto-eugéniste du déni reprend de plus belle, du sommet de l'État au plateau télé du libéralisme autoritaire, et ce, jusqu'à trouver des relais au sein des milieux militants. Dans ce texte, des anarchistes proposent une autocritique des tendances du mouvement qui assimile toute mesure de prévention à de la répression et légitime ainsi des positions ultralibérales et validistes. Il nous a semblé que ces questions soulevées ici pouvaient résonner bien au-delà du seul mouvement anarchiste, car prendre au sérieux la gravité de l'épidémie, c'est la seule voie pour sortir de notre impuissance politique. Ce texte avait été soumis anonymement à Montréal Counter Info en mars 2021 et critiquant les idées covido-négationnistes, conspirationnistes et anti-confinement au sein du mouvement anarchiste. Et donc, anarchie, confinement et crypto-eugénisme, une réponse critique de quelques anarchistes du pays de Galles et d'Angleterre. La crise du Covid-19 a présenté un défi pour les anarchistes et autres personnes qui croient en une vie pleinement autonome et libérée. C'est ce que déclare une récente contribution à Montréal Counter Info. Ces mots résonnent assurément avec nos expériences. Le mouvement anarchiste au Royaume-Uni n'est pas seulement confronté à un défi, il est lui-même en crise. Flics infiltrés, interdiction de squatter, agresseur, corbinisme, TERF. La liste est longue et le virus a déjà trouvé la scène, entre guillemets, dans un triste état. Mais le Covid-19 présente quelque chose de différent et sur ce point, nous sommes d'accord avec l'analyse de Montréal. C'est aussi là que notre accord s'arrête. Dans le texte qui suit, nous critiquons cette analyse car ces arguments sont similaires à ceux que nous avons entendus parmi nos amis et même nos camarades au cours des derniers mois. Bien que l'épidémie au Royaume-Uni semble être en baisse, les tendances qui lui sont associées demeurent. Le texte appelle à des critiques sérieuses et nous offrons donc ce qui suit dans un esprit de lutte contre le présent. Les politiciens, entre guillemets, commencent leur texte, mentent, entre guillemets, et Big Pharma a exploité la pandémie. Peut-être pouvons-nous être d'accord sur quelques points de plus. Au Royaume-Uni, on nous a dit que le virus n'était qu'une grippe et qu'il fallait continuer à travailler comme d'habitude. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le nombre de décès s'élève à plus de 125 000. Et on nous a parlé du vaccin d'Oxford, un vaccin populaire sans brevet ni frontières. Une illusion qui est rapidement tombée lorsque l'État est revenu au nationalisme vaccinal. Mais ce ne sont pas ces mensonges que les auteurs ont à l'esprit. Ils affirment plutôt que les politiciens et les médias ont savamment exagéré la menace du virus dans le cadre d'un plan astucieux visant à imposer des mesures de confinement et à récolter des profits pharmaceutiques. Les sociétés de désinfectants pour les mains sont sûrement aussi derrière tout cela. Les anarchistes, nous dit-on alors, ont cru à ce puissant mensonge. Par un, citation, admirable désir de bien traiter les personnes âgées et les infirmes. L'État a réussi à, toujours, citation, pirater nos cœurs et nos esprits. Cette idée, aussi séduisante soit-elle, n'est qu'une pâle ombre de la réalité. La menace du Covid n'est pas une conspiration, pas plus que le Covid-19 lui-même. Elle n'est pas le résultat d'un battage médiatique, pas plus qu'elle n'est le produit du cerveau de Bill Gates ou transmise par des tours 5G. C'est la conséquence directe d'une grave destruction écologique et des conditions de vie toxiques du capitalisme. L'ayant fait naître, elle est bien sûr exploitée par le capital et l'État. Comme le note cette critique, il est peu probable que le capitalisme l'éradique, même si certains États revendiquent ceci comme étant leur objectif. Au lieu de cela, elle est gérée, incorporée, capitalisée. Il s'agit d'un niveau bien plus fondamental que la création de profits pour certaines entreprises pharmaceutiques. Nous assistons, dans le noyau colonial, à une restructuration historique du travail et de la composition des classes. Leur critique commence à gratter cette surface. Ils décrivent les confinements comme classistes, comme si l'absence de confinement était sans rapport de classe. En creusant un peu plus profondément, nous voyons que le capitalisme fait face à une contradiction familière. Exploiter les travailleurs, mais s'assurer qu'il y aura des travailleurs à exploiter demain. Gérer le virus, gérer la production. Comme l'inflation, la courbe des décès doit être régulée, maintenue à un niveau correct. Partout. Ce paradoxe est évident. Restez chez vous, mais allez au travail. Technocrates et managers débattent de la règle des 2 mètres comme les Factory Acts du 19e siècle débattaient du rapport entre les profits, la santé et les mètres cubes par ouvrier. Nous pouvons appeler cela le côté positif du capital. Bien que chaque travailleur et travailleuse soit bon marché et remplaçable, le capital a besoin d'un réservoir de travailleurs et travailleuses. Il ne peut pas y avoir tout le monde malade en même temps. Il ne peut pas se permettre de tuer une trop grande partie de sa population active. Mais il trouve et crée également des corps superflus pour la production capitaliste. Des corps jetables, des corps dans les marges coloniales, des corps vieux, des corps peu ou pas productifs, des corps qui ne peuvent pas travailler. Et c'est ici que nous voyons la tendance eugénique et malthusienne du capitalisme. Cette tendance, toujours présente, s'est intensifiée ces dernières années. Pour les personnes handicapées, comme le démontrent les nombreuses vies perdues à cause de la réduction des allocations. Depuis le début de la « santé publique », entre guillemets, au XIXe siècle, les systèmes de triage, une invention militaire, ont classé les corps selon une hiérarchie de valeurs, rationnant les ressources dans des conditions de pénurie artificielle. Récemment, un algorithme de soins donnait pour résultat des consignes de ne pas réanimer les patients de Covid-19 souffrant de troubles de l'apprentissage. Quand la technologie rencontre l'eugénisme accidentel, le capitalisme lui-même pourrait être décrit avec précision comme un algorithme crypto-eugéniste, toujours exposé au risque de tomber dans le fascisme pur et simple. Comme le fascisme, le Covid-19 présente une menace existentielle pour la vie de certaines minorités, les handicapés, prolétaires et les personnes âgées en particulier, et une mort plus lente pour les autres. Et comme le fascisme, les démocraties libérales lui permettent d'exister, le gèrent, tiennent leur monstre en laisse. Parfois, cette gestion échoue, les systèmes de soins de santé s'effondrent, la production chute. À d'autres moments, l'extrême droite exige que le monstre soit libéré. C'est en reconnaissant la pandémie comme une menace existentielle que notre conversation devrait commencer. C'est une citation de l'article auquel il répond, j'imagine. L'article parle des anarchistes d'une part et des personnes âgées et des infirmes, entre guillemets, d'autre part. C'est l'anarchiste qui est ici agent sujet, avec à l'esprit sa liberté d'agir avec ou sans eux, les « vulnérables », entre guillemets. Cela fait disparaître d'emblée les anarchistes âgés, l'anarchisme du handicap. Où sont-ils? Où sont-elles? Elles et leur liberté dans cette révolte imaginée. Le texte continue. En tant qu'anarchistes libres, nous prenons aussi soin des autres. Nous coopérons avec consentement et sans contrainte. Mais de quelle contrainte et de quel consentement s'agit-il? C'est une vérité simple que votre droit de boire au pub, et c'est-à-dire le droit de l'entreprise de rouvrir, bousille la liberté de ceux et celles qui courent un risque sérieux, ceux et celles qui sont à quelques maillons de la chaîne de transmission. Ces chaînes de transmission sont nos chaînes. Et en tant qu'anarchistes, nous reconnaissons la violence de cette libération. Soyons clairs, celles et ceux qui menacent les handicapés ne peuvent être acceptés. Nous ne trouverons pas la liberté dans les morgues glacées. L'article continue en minimisant la dangerosité du Covid-19, un refrain familier. Les analyses de Montréal se transforment en déclaration de Barrington. Quand nous parlions de technocrates, il cite des statistiques sur les risques moyens, masquant les risques mortels pour les minorités spécifiques. Cela ne sera pas mauvais pour vous. Ils opposent les risques du Covid au traitement du cancer. On ne peut pas se permettre que l'un ou l'autre. Alors que le virus est bien plus mortel pour ceux et celles qui luttent contre le cancer. Même si le Covid-19 était un peu moins risqué, regardez, seulement 6 000 morts, la logique crypto-eugéniste demeure. Au Royaume-Uni, nous devons analyser de manière critique les événements récents, en particulier le fait que certains organes de l'État ont ouvertement envisagé la voie d'une immunité collective sans vaccin. On peut supposer sans risque de se tromper que ce rêve malthusien aurait conduit à l'effondrement du système de santé et peut-être à un demi-million de décès, en tant que perte acceptable. Là où le texte appelle les anarchistes à s'interroger et à critiquer la gravité du Covid-19, nous appelons les anarchistes à réfléchir de manière critique à l'eugénisme en tant que logique du capital et de l'État. Nous devons également nous attaquer sérieusement à son histoire pénible dans la tradition anarchiste, des écrits des Magolman au courant de pensée primitiviste et anti-civilisation. Alors que les pandémies deviennent de plus en plus présentes et que les écofascismes se banalisent, les anarchistes doivent se battre pour s'assurer que personne ne soit mis de côté. Enfin, les auteurs s'attaquent à la tyrannie du confinement, affirmant qu'en tant qu'anarchistes, c'est ce que nous devrions viser, et qu'en ne le faisant pas, nous avons lâchement cédé du terrain à l'extrême droite. Mais leur cible est à la fois abstraite et confuse. Ils utilisent les termes de couvre-feu, confinement et fermeture de manière interchangeable. L'un des articles qu'ils citent décrit même le port obligatoire d'un masque comme draconien. Et ils soutiennent que ces mesures doivent être attaquées en principe, car elles sont imposées sans consentement. Nous soutenons qu'en tant qu'anarchiste, il n'y a pas d'État qui puisse être consenti. Et que la notion même de contrat social n'a rien à voir avec l'anarchie. Plutôt que faire de vagues déclarations pour la liberté dans le style de la droite et du Tea Party, nous devons localiser et attaquer les instruments du pouvoir et du contrôle. Confinement en est venu à signifier une myriade de mesures très contrastées. De demander aux gens de rester chez eux pendant les couvre-feux, de faire respecter des mesures sanitaires dérisoires et la sécurité sur le lieu de travail, à la rupture des grèves et de fermer des entreprises et des écoles, à des enfermements violents dans des prisons. La signification originale du terme. et d'imposer des amendes aux touristes, de mettre des hôtels en quarantaine à la détention de migrants dans des camps militaires. Il devrait être évident, en tant qu'anarchiste, lesquelles de ces mesures nous devrions attaquer et lesquelles nous devrions laisser tranquilles et même se battre pour. Nous devons définir les cibles et reconnaître nos ennemis. Le business libre n'a rien à voir avec notre liberté. S'opposer simplement au décret d'en haut du confinement est aussi vide que de soutenir toutes les protestations. Au Royaume-Uni, nous avons vu de grandes manifestations tapageuses et conspirationnistes dirigées par des célébrités antisémites, mais nous avons également vu des rassemblements non politiques combattre la police, ainsi que des manifestations organisées pour des vies noires. Les États-Unis présentent une dichotomie encore plus simple. Rien ne pourrait être plus clair que la différence entre les manifestations pro-business de la fin du printemps contre les gouverneurs démocrates et le soulèvement noir de l'été contre la police. Les premiers défendent des droits de petites entreprises et à fusionner avec le mouvement des milices de droite. Le second a fait exploser la colère contre les flics, exproprier des biens et créer des espaces autonomes temporaires. En tant qu'anarchistes, nous savons où nous nous situons. Voilà, je m'attendais à un texte uniquement centré sur le Québec. En fait, ça parle des États-Unis et d'Angleterre, mais c'est effectivement, ça tombe plutôt bien de le sortir à nouveau en ce moment, en espérant que pas seulement les anars s'intéressent aux, comment dire, à ceux qui sont même pas considérés par le capital comme un bien nécessaire. Voilà, c'est un peu, je pense, la base sur laquelle devrait se fonder n'importe quelle réflexion politique dite anarchiste et dite de gauche, en fait. À partir du moment où une personne n'a pas accès à une possibilité de vaccination choisie, à partir du moment où une personne n'a pas accès à une partie de la vie, de la ville, à cause de ses même pas possibilités d'accéder à ça, par manque de papier, par manque de connaissances, par manque d'aide, par manque de plein de choses, par manque de soins collectifs, de transport collectif, de bien-être collectif mis en premier lieu et non pas de bien-être de Jeff Bezos et compagnie. À partir de ce moment-là, en fait, on ne fait plus société, mais pas dans le bon terme, en fait. On bascule dans l'ultra-capitalisme, dans l'ultra-libéralisme et je trouve que la confusion est vraiment de plus en plus à la fois flagrante, effrayante, et monstrueuse et indolente aussi. Beaucoup de personnes se refusent à réfléchir parce qu'elles sont fatiguées. Oui. Mais j'ai envie de dire, on est les prochains sur la liste, en fait. Donc, s'il faut quelque chose pour stimuler, ben, cette base-là, ça devrait déjà faire ça, quoi. Bon, je vais arrêter de tergiverser, pardon. Je ne vais pas vous dire joyeuses fêtes parce que je sais qu'elles ne sont pas joyeuses du tout pour plein de gens. Par contre, je vais vous souhaiter de retrouver du calme et de la sérénité et des activités choisies et non pas subies pendant au moins une ou deux semaines, le temps de retrouver qui on est, vraiment, au fond. Et je sais que je sais qu'on est merveilleux, vraiment, au fond, aussi. Voilà, j'en suis persuadée. Alors c'est ça que je vous souhaite.